France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, drôle d'endroit pour une rencontre, Henry Ford et la forêt amazonienne, ou quand le roi de l'automobile affronte la loi de la jungle. C'est un matériau que nous utilisons tous, tout le temps qui les a réunis, le caoutchouc. Très utilisé par les civilisations précolombiennes, il est redécouvert au XVIIIe siècle par l'explorateur français Charles-Marie de la Condamine. Au XIXe siècle, des hommes vont améliorer sa production et son usage, notamment pour la fabrication des pneus de vélo et de voitures. Ces noms, ces hommes, vous les connaissez tous, Charles Goodyear, John Dunlop ou les frères Michelin. Et ce caoutchouc, Henry Ford, le manial automobile, en a besoin en masse pour les pneus de sa célèbre voiture, la Ford T. Mais en ce début du XXe siècle, les Anglais maîtrisent complètement cette ressource. L'Américain Henry Ford, l'un des hommes les plus riches du monde, décide alors, en 1927, de construire sa propre plantation de caoutchouc en plein cœur de l'Amazonie. C'est le début de Fordlandia, et c'est surtout un bide monumental. Notre invité aujourd'hui, Thomas Cantaloub, journaliste, écrivain, auteur en 2017 d'une série d'articles pour Mediapart intitulée « Amazonie, la réalité derrière le mythe ». Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Adrien Mora, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Brésil, Manaus, capitale de l'Amazonie, début du XXe siècle. Ce soir-là, une pirogue vogue sur l'eau au rythme des coups de rame d'un homme élégant en costume blanc. À l'arrière de l'embarcation, une femme se tient assise en robe de soirée. Monsieur et madame sont en retard pour l'opéra. Oh, Molly, je t'en prie. Allez, c'est viens. Pas mieux comme ça? Allons-y. Oh, viens vite. Oui, oui. Le couple, Brian et Molly, se présente enfin devant le somptueux théâtre Amazonas, une merveille d'architecture inaugurée en 1896. Marbre d'Italie, verre de Murano. Côté inspiration, c'est un mix entre la Scala de Milan et l'Opéra Garnier de Paris. Ce soir-là, des majordomes servent du champagne aux chevaux, c'est dire l'ambiance, car ici, tout est luxe, fric, démesure. Quand Brian et Molly pénètrent dans la salle splendide, c'est la fin de l'opéra. Nous sommes ici dans Fitzcarraldo, l'un des deux films amazoniens de Werner Herzog, sorti en 1982. Un tournage complètement fou dont nous vous avons raconté l'histoire dans un épisode d'Affaires Sensibles. Incarné par Klaus Kinski, le personnage principal, Fitzcarraldo donc, a un projet fou. Construire un opéra en pleine Amazonie grâce à l'argent du caoutchouc. Il discute de ce projet avec le directeur du théâtre Amazonas. Quand on a bâti cet opéra, au départ, il n'y avait que quelques huttes. Il était pratiquement en pleine forêt vierge. Vous savez, la vie à Manaus est 4 fois plus chère qu'à New York à l'heure actuelle. Les palais que vous voyez là devant ont été construits en carreaux de Delft et en marbre de Florence. Bientôt, Iquitos vous égalera. Pour l'instant, quelques pionniers y croupissent, mais grâce au caoutchouc, nous aurons vite surpassé Manaus. À Manaus, les familles les plus nantis, enfin, si je puis me permettre, on voit blanchir leur linge sale à Lisbonne. Mais parce que l'eau de l'Amazone est impure à nos yeux. Le caoutchouc, la richesse de Manaus. En langue quechua, cao signifie arbre et chou qui pleure. Arbre qui pleure. L'arbre, c'est l'hévéa, les larmes, c'est le latex. À la fin du 19e siècle et au début du 20e, le caoutchouc devient indispensable pour la fabrication de nombreux objets. Joint des moteurs à vapeur de bateaux et des trains, isolateurs des fils télégraphiques, pneus. Alors, le monde entier se rue en Amazonie à la recherche de cette matière fantastique. Si bien qu'on retrouve à Manaus des Portugais, des Espagnols, Italiens, Anglais, Français, Allemands, Américains, Chinois, Russes et Ottomans. Des barons du latex deviennent richissimes en quelques années. Mais cette fièvre du caoutchouc repose sur l'exploitation et l'esclavage parfois de millions de travailleurs brésiliens, les seringueiros, qui saignent près de 300 millions d'arbres sur un territoire de 5 millions de kilomètres carrés. L'émission 5 colonnes à la une revient sur les lieux en 1964. Cet arbre à caoutchouc, le voici. C'est l'arbre le plus précieux du monde parce qu'il ne pousse qu'ici. Cette plaie, ces plaies que lui fait le seringueiro portent pour nous une signification infiniment lourde quand on sait que de 1900 à 1910, en 10 ans, un demi-million d'hommes sont morts en faisant ce métier apparemment si simple. Ce qui met le caoutchouc à 2 morts la tonne. Les travailleurs meurent et les riches profitent. On connaît l'ancienne. Des palais fleurissent partout dans Manaus, l'alcool coule à flot, les lieux de fête et de loisirs se multiplient. Et on assiste à une séance de la nouvelle invention à la mode, le cinématographe. Alfredo Lustosa Cabral, venu travailler dans les exploitations de caoutchouc, décrit la ville à l'époque. La ville était un enchantement, avec sa lumière splendide, ses tramways électriques, ses télégraphes sans fil. Nous avons vu une voiture Ford parcourir les avenues. On disait que c'était la première à arriver au Brésil. Et l'Eldorado, le casino le plus luxueux, le cabaret le plus excitant de toute l'Amérique du Sud, avec toutes ses lumières, ses jeux, son théâtre. On y trouvait les plus jolis visages du monde entier. Des Polonaises, des Françaises, des Péruviennes, des Brésiliennes qui toutes s'exhibaient dans une débauche sauvage et folle. Manaus est une sorte de Far West où des aventuriers, des flambeurs, des criminels et des escrocs se côtoient dans des lieux interlopes de la ville. Bars, bordels et arrière-salles de restaurants. Parmi cette faune, un Anglais, dénommé Henry Wickham, organise un gigantesque vol qui va ruiner la ville et toute l'économie amazonienne. Cet aventurier va faire main basse sur des graines, 76 000 graines d'EVA qu'il rapporte à Londres. C'est la naissance de ce qu'on appelle la biopiraterie. Et le voleur sera anobli. Les Anglais s'empressent alors de planter des arbres à caoutchouc dans leur colonie d'Asie du Sud-Est. Bingo ! En quelques années, le monopole amazonien est brisé, même balayé par la productivité des plantations anglaises. En 1913, le cours de caoutchouc s'effondre. À Manaus, c'est le chaos. Faillite, suicide, règlement de compte. Les barons s'enfuient, les palais sont abandonnés. C'est la fin d'une époque. Au même moment, de l'autre côté des Amériques, à 5500 km au nord, une révolution est en marche. À Détroit, Henry Ford met en route pour la première fois au monde le travail à la chaîne. Objectif, optimiser le temps de travail des ouvriers et faire baisser le coût et donc le prix de vente de son célèbre modèle, la Ford T. C'est le fameux taylorisme. Ce sont les temps modernes pour Charlie Chaplin. Né en 1863, fils de fermier du Michigan, Henry Ford n'est pas doué à l'école, il n'aime pas le travail à la ferme. Non, sa passion depuis son plus jeune âge, c'est la mécanique. Petit, quand il voit passer pour la première fois une voiture sans chevaux, il est subjugué. Extrait d'un téléfilm qui relate la scène. Oh ben, qu'est-ce que c'est ? On dirait une chaudière à roulettes. En tout cas, il n'y a pas de chevaux. Et pourtant, la voiture avance toute seule. J'ai jamais vu une chose comme celle-là depuis que je suis né. J'avais jamais vu une voiture qui avance sans chevaux. C'est la vapeur, fiston. Henri, ne t'approche pas. Cette machine crache du feu. Reviens, c'est peut-être dangereux. 5 janvier 1914, le jeune Henry est devenu Monsieur Ford, un patron quinquagénaire qui s'apprête à faire une annonce fracassante à la presse. Il double les salaires, rien que ça. Les débutants passent de 2,50 $ à 5 $ la journée. Mieux encore, Ford enlève une heure de travail, les journées passent à 8 heures. Oh, ce n'est pas de la philanthropie. Le patron américain ne fait que répondre à un problème, le turnover. Le travail à la chaîne est dur, monotone, les ouvriers ne restent pas longtemps et former les nouveaux coûte cher. Alors, en fidélisant ses employés avec des salaires plus élevés que ses concurrents, Ford vise juste. Le lendemain, dès les premières heures du matin, des milliers d'hommes se présentent devant son usine. Peu importe la neige et le froid, Paris réussit pour les visionnaires. La productivité augmente, les prix de la Ford T baissent, donc les ventes explosent. Cerise sur le gâteau, grâce à des salaires plus élevés, ces ouvriers peuvent eux aussi se payer une Ford. Cette voiture simple et robuste qui envahit les routes américaines et bientôt celle du monde entier. Mais Henry Ford ne s'arrête pas là. Il veut contrôler la vie de tous ses ouvriers. à tous les étrangers. Nombreux dans ses usines, il impose des cours de langue et met en scène leur intégration dans la société américaine avec des cérémonies dites du « melting pot ». Farouchement opposé à l'alcool et aux jeux d'argent, il les interdit à ses employés. La cigarette également est fortement déconseillée. Des inspecteurs Ford vont même inspecter les logements des ouvriers. L'historienne américaine Beverly Gage explique dans le documentaire intitulé « Henry Ford » diffusé sur PBS que le roi de l'automobile n'a aucune limite. C'est un niveau d'intrusion dans la vie privée qui est, je pense, presque impensable aujourd'hui. Mais Henry Ford s'attendait à ce que ses ouvriers se comportent d'une certaine façon. Et il faisait tout pour faire respecter cette manière d'être. Il n'y avait presque aucune loi ou instruction qui l'empêchait d'exercer ce genre de contrôle. Oui, Henry Ford, au début des années 20, fait absolument ce qu'il veut. Et l'industriel a des idées très arrêtées. Par exemple, il aime l'ordre, le pain complet, les danses de salon, et il déteste pêle-mêle la guerre, les syndicats, Wall Street, le jazz, la danse moderne, les féministes, le lait de vache, les Roosevelt, la cigarette, l'alcool, l'intervention rampante du gouvernement fédéral et les juifs. Antisémite notoire, donc. Il rachète un journal pour diffuser dans tout le pays ses idées nauséabondes. The Dearborn Independent. Une compilation d'articles antisémites de Ford sera éditée sous le titre « Le Juif International » en 1920. Un livre qui rencontre un grand succès en Allemagne chez Hitler et ses nazis, évidemment. En 1925, Ford dispose de la plus grande usine du monde à River Rouge, près de Détroit. Il contrôle quasiment toutes les matières premières nécessaires à la fabrication de la Ford T. Il en a vendu 10 millions. Il lui manque seulement le caoutchouc. Et depuis le fameux vol des graines d'EVA, ce sont donc les Anglais qui contrôlent toute la production grâce à leur colonie d'Asie du Sud-Est. Dans sa villa de Dearborn, dans le Michigan, Ford reçoit son ami Harvey Firestone, leader du pneu. Le roi d'automobile ne veut plus dépendre du Royaume-Uni pour le caoutchouc. Alors, Ford dit à son interlocuteur « Je veux aller planter des arbres en Amazonie, rejoins-moi ». Prudent, Firestone décline. Mais Ford, lui, est un fonceur. Sa devise, agir d'abord, penser ensuite. Alors il envoie l'un de ses hommes prospecter en Amazonie, et au bout d'une année, un terrain est trouvé. Un immense morceau de forêt, plus de 10 000 mètres carrés. Quasiment la superficie de la région Île-de-France. Le 21 juillet, il signe un accord avec le Brésil et devient propriétaire pour 125 000 dollars de cette terre située à 500 km à l'est de Manaus, en bordure de la rivière Tapajós. 9% de bénéfices annuels de la plantation seront reversés à l'État et à la région. En mai 1928, Henry Ford précise son projet dans The Magazine of Business. Nous trouverons nos hommes au Brésil. Nous n'allons pas en Amérique du Sud pour gagner de l'argent, mais pour aider à développer cette terre merveilleuse et fertile. Nous formerons les Brésiliens et ils travailleront aussi bien que n'importe qui d'autre. Son objectif industriel est gigantesque. Produire assez de caoutchouc pour fabriquer 8 millions de pneus par an. Le projet est nommé simplement et avec modestie Fordlandia, le pays de Ford. La presse américaine s'enthousiasme et évoque le projet le plus spectaculaire de la longue et spectaculaire carrière d'Henry Ford. And the volume of production will increase as rubber becomes available from Ford-owned plantations on the Amazon. Été 1927, Willis Barclay, 37 ans, cadre chez Ford, débarque en plein cœur de l'Amazonie. Il n'est ni botaniste ni urbaniste, mais c'est lui qui doit superviser la construction de Fordlandia. Il recrute quelques chômeurs portugais et des Amérindiens. Première mission, défricher. Manque de chance, le seul tracteur à disposition tombe en panne. Les ouvriers n'ont plus qu'à se lancer dans un travail harassant à la machette. Avec piqûres de tiques, de mouches et de moustiques, l'endroit est plus qu'hostile. Un jour, un ouvrier effleure une branche. Quelques secondes plus tard, un essaim de fourmis le recouvre. Son corps devient rouge de piqûres suppurantes. Le lendemain, un autre qui coupe le sous-bois est mordu par un serpent. Et il meurt quelques minutes plus tard. À cela s'ajoute la dysenterie et une épidémie de malaria. L'hygiène du campement est catastrophique. Le bois coupé, trop humide pour être brûlé, pourri, une vraie bombe sanitaire. Le chef, Willis Barclay, prend alors une décision radicale. Il arrose les troncs avec du kérosène et enflamme le tout. Et là, bien sûr, le bois brûle. Mais le feu devient inarrêtable et l'incendie grossit. Barclay déclenche ainsi l'un des plus grands feux provoqués par l'homme en Amazonie. Aujourd'hui, le cauchemar amazonien d'Henry Ford. France Inter, affaires sensibles. Novembre 1928, Fordlandia. L'incendie gigantesque a cessé. Deux bateaux, leurs moquets de farge, qui ont remonté l'Amazone et la rivière Taparos, arrivent enfin en provenance des États-Unis. À leur bord, une véritable petite ville en kit, avec des bâtiments préfabriqués, 5 km de rails, une locomotive et 3 wagons. De quoi vivre aussi. Des vêtements, des médicaments, des légumes et du bœuf surgelé. Et puis un nouveau chef, un Norvégien puritain, Ene Roxholm. Première mesure radicale, interdiction de boire de l'alcool pour les ouvriers. Ene Roxholm, en bon tartuffe, n'hésite pas lui à s'envoyer quelques verres de cachaça chaque jour. Il faut dire que la vie est très dure à Fordlandia. Les tensions sont nombreuses entre Américains et Brésiliens. Et puis, de nombreuses personnes meurent à cause des maladies et des piqûres de serpents. En 1929, on dénombre 92 tombes dans le cimetière de Fordlandia. Parmi elles, 4 sont celles des enfants d'Ene Roxholm. Cette même année, le 21 octobre, Henry Ford organise une grande fête pour le jour du 50e anniversaire de l'ampoule à incandescence inventée par son ami Thomas Edison, découvreur également de la centrale électrique et de la pile alcaline, un génie. Henry Ford lui a créé un institut pour l'honorer. Le jour de l'inauguration, des personnalités de prestige sont donc présentes. Le président des États-Unis, Herbert Hoover, John David Rockefeller, le roi du pétrole, et Marie Curie, double prix Nobel. Pour l'occasion, un film est tourné où l'on voit Thomas Edison, âgé de 82 ans, entouré d'Henry Ford et de Harvey Firestone, tous trois en smoking et une pape. Firestone joue au journaliste et demande à Ford ce qu'il pense du développement d'un nouveau média, la radio. Il veut savoir si cela représente une opportunité pour les jeunes générations. Les jeunes, c'est ça l'important. Voici la réponse de Ford, non traduite, pour que vous puissiez entendre sa voix. I think so. Yes, indeed. If a young man makes up his mind to work, there's no limit to what he can do. But if he makes up his mind to go at it without the idea of work. He hasn't much chance. He must study and work. Traduction tout de même. Si un jeune homme décide de travailler, il n'y a pas de limite à ce qu'il peut faire. Mais s'il décide de se lancer sans idée de travail, il n'a pas beaucoup de chance. Il doit étudier et travailler. Bien, la jeunesse n'a qu'à suivre les principes de Ford, étudier et travailler. Mais 3 jours après cette petite fête, l'Amérique bascule, c'est le krach de 1929. Les colonnes du temple des marchands s'écroulent sur les marchands eux-mêmes le mardi 29 octobre. 16 millions et demi de titres, 30 milliards de dollars partis en fumée ou presque. Car après le jeudi noir, ayant ruiné 1,5 million de petits spéculateurs ou nouveaux riches, mardi 29, les brasseurs d'affaires ont succombé à leur tour, sans oublier les banques. 350 ont baissé le rideau en quelques semaines. C'est le début de la Grande Dépression. À Détroit, berceau de l'industrie automobile, on licencie à tour de bras, notamment dans les usines Ford. À 5500 km de là, Fordlandia ressemble désormais à une petite ville du Midwest américain avec ses petits pavillons, son square, ses bornes incendies, ses hangars, son usine et son château d'eau qui dominent la forêt avec inscrit dessus et en gros caractère Ford. Pourtant, l'Amazonie donne du fil à retordre aux Américains présents sur place. Les EVA plantés ne donnent pas encore de caoutchouc. Quant aux travailleurs, ils se plaignent des conditions de travail inadaptées. Eux qui ont l'habitude de travailler en fonction du soleil, on leur impose des horaires d'usine. Expedito Duarte de Brito, descendant d'ouvriers, raconte l'ambiance de l'époque dans le documentaire Ruines modernes, Fordlandia, le grand fiasco de Henry Ford. Beaucoup racontaient que c'était l'enfer de travailler ici. 12 fois par jour, les sirènes de l'usine se mettaient à hurler pour appeler les hommes à leur poste. Les règles étaient très strictes et la surveillance totale. Les ouvriers n'étaient pas appelés par leur nom, mais par des numéros. Ils devaient porter un badge. Dessus, il y avait écrit Ford, ainsi qu'un numéro d'identification. Nos compatriotes trouvaient cette méthode extrêmement dégradante. 20 décembre 1930, jour de révolte à Fordlandia. Tout part d'une histoire de nourriture. Déjà, Ford a voulu imposer ses propres menus. Flocons d'avoine, pêche en conserve, riz complet, pain de seigle, cornet de bœuf et hamburger. De nombreux estomacs d'ouvriers ont du mal à digérer ces repas. Mais la goutte de trop, c'est quand on leur annonce qu'ils devront désormais se servir au self et payer leur repas. Un affront de plus. Habitués à être servis à table, ils ne supportent pas de faire la queue pour manger. Alors une dispute éclate dans le restaurant avec les chefs. Les ouvriers détruisent tout. Écrit, le Brésilo-Brésilien tuons tous les Américains. Apeurés, ces derniers quittent Fordlandia en bateau. Et la ville est mise à sac. Les générateurs sont détruits, les maisons sont pillées. L'armée brésilienne intervient 3 jours plus tard et réprime les ouvriers. Maintenant, il faut tout reconstruire. Mais le plus grand problème, ce ne sont pas les travailleurs, mais bien les EVA dont on ne retire pas encore assez de latex. En janvier 1931, dans l'Indian Rubber Journal, on peut lire... L'objectif présumé de M. Ford est de cultiver son propre caoutchouc. Mais il suffit de rester quelques mois sur la concession pour se rendre compte que, même si le caoutchouc peut éventuellement y être cultivé, le coût, à la fois de la mise en exploitation de la zone et de la production du caoutchouc, sera si fantastiquement énorme que l'ensemble du projet, d'un point de vue commercial, est voué à l'échec. Quoi qu'il en soit, les planteurs de l'Asie du Sud-Est n'ont pas à s'inquiéter de la concurrence du caoutchouc produit par la Ford Company sur l'Amazon pendant encore au moins 100 ans, à en juger par le rythme des progrès réalisés jusqu'à présent. Ford veut appliquer son modèle de travail à la chaîne pour la culture du latex. Il pense prélever les caoutchoucs sur les EVA comme on fabrique des Ford T. Il oublie juste qu'à la fin du 19e et au début du 20e, la matière est prélevée sur des arbres sauvages et non des arbres de culture. Et c'est bien là tout le problème. Tout d'abord, Ford s'est fait arnaquer. Les terres qu'on lui a vendues n'ont pas un sol propice à la culture de l'EVA, c'est malin. Ensuite, il a planté les arbres très rapprochés, ce qui a favorisé la diffusion des maladies, des chenilles, des parasites de tout genre. Et cela les expose au soleil. Pour corroder le tout, le sol s'érode sous les pluies. Pourtant, le 27 décembre 1931, le New York Times sort un article très élogieux. Ici, la Grande Dépression est inconnue. Voici Fordlandia, la concession d'Henry Ford sur l'Amazone, où le constructeur automobile dépense des millions de dollars pour la culture scientifique du caoutchouc. La colonie, autrefois en friche, a été transformée en une ville modèle où règnent des salaires élevés. Une ville moderne ? Parlons-en. Derrière l'image idyllique d'une petite cité du Midwest en pleine Amazonie, se cache en fait une réalité cauchemardesque. Il se trouve que les maisons conçues par Albert Kahn sont inadaptées au climat. L'architecte a gardé les mêmes matériaux que pour le Michigan. Résultat, il fait diablement chaud. Et puis les Américains envoyaient sur place en nuit. Oui, il y a l'eau potable et l'électricité, une piscine et un terrain de golf. Mais côté divertissement, c'est un peu le néant. Sauf le golf. Mais pas de restaurant. Pas de cabaret, pas de spectacle. Henry Ford a souhaité une salle de bal où on a le droit de pratiquer seulement les danses de salon, valse et polka avec un contact physique réduit au minimum. Ford puritain rêve de recréer à Fordlandia son souvenir fantasmé du Midwest fermier du 19e siècle dans lequel il est né. Les ouvriers brésiliens vont trouver une parade pour se divertir. Ils se rendent sur l'île de l'Innocence, un village à quelques kilomètres de la plantation. Là-bas, ils trouvent tout ce qu'il n'y a pas à Fordlandia. Alcool, musique et prostituées. Certains qui ne connaissent pas la notion de salaire et qui jusque-là ont vécu dans le système économique du troc, claquent toute leur paye sur cette île. Un jour, on tente de faire travailler des ouvriers venus de la Barbade pour remplacer les Brésiliens. Des rixes éclatent, l'idée est abandonnée. Pour stopper la spirale de l'échec, Henry Ford décide d'engager un botaniste. Enfin, James Robert Vair, qui lui conseille de créer une nouvelle plantation à 100 km au nord de Belterra. Ford lui donne carte blanche pour sauver le projet Fordlandia. D'autant que le patron a des problèmes à régler chez lui, dans le Michigan. Et pour ça, il peut compter sur son homme de main, Harry Bennett. Ancien boxeur, vétéran de l'armée, dealer, escroc, mafieux, voilà pour le pédigré du bonhomme. Farouchement anti-syndicaliste, Ford a recruté pour faire régner la terreur dans ses immenses usines. Harry Bennett tient sous ses ordres 3500 employés qui l'intimident. Greg Grandin, auteur de Fordlandia, explique ce système. Dans les années 20, lorsqu'il crée Fordlandia, Ford est encore célébré comme celui qui a démocratisé le capitalisme. Mais en réalité, dans ses usines, il développe un programme antisyndical assez brutal, en s'appuyant sur un voyou, Harry Bennett, pour faire respecter la discipline dans ses ateliers. Un système qui a été comparé par un historien à celui d'un État totalitaire. 7 mars 1932, la Grande Dépression dévaste les États-Unis. Dans le Michigan, une marche de la faim est organisée près de l'usine Ford de Dearborn. Dans un vent glacial, 5000 chômeurs défilent avec des banderoles. Donnez-nous du travail, nous voulons du pain et non des miettes, ou taxez les riches et nourrissez les pauvres. La police et la milice de Ford, dirigée par Harry Bennett, tirent sur les manifestants. Bilan, 4 morts. Atelier 20, plus vite, 4-1. Chef d'équipe, attention, il y a les ennuis sur la chaîne 20. J'aperçois un écrou mal serré. Chef d'équipe, attention. En 1936, dans son chef-d'œuvre « Les temps modernes », Charlie Chaplin caricature Henry Ford, ce patron anticommuniste, antisémite et ennemi des syndicats. 30 juillet 1938, Ford fête ses 75 ans. Il reçoit un cadeau particulier de la part d'un autre personnage qui sera caricaturé par Chaplin, Adolf Hitler. Le Führer, qui a accroché un portrait de Ford dans son bureau, le fait décorer de la grande croix de l'aigle allemand. Deux représentants nazis lui remettent cette médaille à Détroit. Les États-Unis ne sont pas encore en guerre contre l'Allemagne et de nombreuses entreprises américaines font affaire avec les nazis. Mais tout bascule le 7 décembre 1941 avec l'attaque de Pearl Harbor. Le lendemain, le président Franklin Roosevelt prend la parole. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. Hier, 7 décembre 1941, une date qui restera à jamais marquée dans l'histoire comme un jour d'infamie, les États-Unis d'Amérique ont été attaqués délibérément par les forces navales et aériennes de l'Empire du Japon. Les États-Unis en guerre contre le Japon et l'Allemagne ont vite un problème. En envahissant le sud-est asiatique, l'armée japonaise a pris le contrôle de 95% de la production mondiale de caoutchouc, une matière indispensable pour la construction de tanks. Alors on réduit la vitesse sur les routes pour économiser les pneus des voitures, et le président Roosevelt confisque même le jouet en caoutchouc de sa chienne. Et puis, on se souvient de Fordlandia. Oui, c'est vrai ça. Où en est le projet de plantation gigantesque d'Henry Ford ? Eh bien, grâce au botaniste James Rare et au nouveau lieu de culture, Fordlandia commence à produire. 750 tonnes de latex sortent des saignées des VA en 1942. Oh, on est encore très loin des 38 000 tonnes nécessaires aux usines Ford. Mais c'est un début. Grâce à de nouvelles variétés d'EVA rapportées d'Asie et des croisements, l'arbre résiste mieux aux parasites. On vient chercher cette nouvelle variété pour la planter en Amérique centrale. Et puis, aux États-Unis, on accélère les recherches sur le caoutchouc synthétique, car c'est indispensable pour l'effort de guerre. Le 29 mai 1944, un court-métrage intitulé Amazon Awakens sort aux États-Unis. Il retrace la visite d'un certain Walt Disney en Amazonie, dans les villes de Fordlandia et de Belterra. Extrait. Parmi les pionniers actuels de l'Amazonie qui ouvrent la voie à d'autres, on trouve Henry Ford. L'exploitation de caoutchouc de Ford sur le fleuve Tapajos est une entreprise de dimension historique. Ici, 800 000 hectares de jungle sont convertis en une plantation hautement modernisée, capable de produire du caoutchouc à grande échelle. En pleine nature, cette communauté modèle est autosuffisante dans les moindres détails. Dans le film, la vie à Fordlandia et Belterra semble complètement idyllique. Il y a des routes modernes, des pelouses tondues, un joli camion de pompiers, un bus scolaire, des élèves en uniforme, une garderie, un hôpital avec des soins gratuits, un terrain de foot. Entre vérité et propagande, le film se conclut en décrivant Fordlandia comme une entreprise performante, un hommage aux compétences et à la science. En réalité, tous les efforts pour faire décoller la production de latex sont anéantis par des pluies torrentielles qui détruisent les feuilles des EVA. Le 21 septembre 1945, le petit-fils d'Henry Ford, Henry Ford II, prend la tête de l'entreprise comme celle d'une dynastie. Et il prend deux décisions fortes. D'abord, il vire Harry Burnett, le mafieux qui faisait régner la terreur dans les usines du pays. Et il abandonne Fordlandia, un projet qui a coûté des millions de dollars et qui n'a rien rapporté, un fiasco total. De toute manière, l'apparition des caoutchoucs synthétiques change la donne. Un peu moins de deux ans plus tard, Henry Ford s'éteint à l'âge de 83 ans dans son domaine de Dearborn. Les actualités françaises annoncent la nouvelle. Henry Ford est mort. Ses ouvriers sont venus en masse rendre un dernier hommage au patron qui, parti de rien et par sa seule énergie, créa la voiture de série et réalisa une fortune considérable. Ford, un nom qui entre dans la légende. Aujourd'hui, Fordlandia est entré dans la légende. À la fois ruine moderne et lieu de vie, car ce n'est pas devenu une ville fantôme, non. Des Brésiliens y habitent, et c'est même devenu un lieu touristique, figurez-vous. Un guide de voyage brésilien écrit « Fordlandia est née et morte dans l'attente de la visite de son mécène ». Effectivement, Henry Ford n'est jamais venu visiter Fordlandia. Aujourd'hui, les Américains sont partis, la nature a repris ses droits, et dans le documentaire « Fordlandia malaise », on entend cette dame chanter « Éveille-toi, éveille-toi, peuple de Fordlandia ». Ouvre ta fenêtre, viens voir la belle lune, viens voir notre joli toucan qui est en train de passer dans ta rue. Manter em pé o que resta não basta, que alguém virá derrubar o que resta. O jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta. Manter em pé o que resta não basta, que a motosserra voraz faz a festa. O jeito é compreender que já basta e replantar a floresta. Milhões de de espécies, plantas e animais. Zumbidos, berros, latidos, tudo mais. Uivos, murmúrios, lamentos ancestrais. Por que não deixamos nosso mundo em paz? Além do morro, o deserto se alastra. Por toda a terra, da serra aos confins. Um toco louco, um casco de canastra. Onde enterramos sabins. Manter em pé o que resta não basta. Já quase todo o ouro verde se foi. Agora é hora de ser refloresta. Que o coração não destrói. Plantas e animais, zumbidos, berros, latidos, tudo mais. Uivos, murmúrios, lamentos ancestrais. Por que não deixamos nosso mundo em paz? Manter em pé o que resta não basta. Que alguém virá derrubar o que resta. O jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta. Manter em pé o que resta não basta. Já quase todo ouro verde se foi. Agora é hora de ser refloresta. Que o coração não destrói. Que o coração não destrói. Respeitar a floresta. Respeitar a floresta. Respeitar a floresta. Que o coração não destrói. Plantar a floresta, coração não destrói, que o coração não destrói. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Fordlandia. Notre invité Thomas Cantaloub. Bonjour. Bonjour. Journaliste et écrivain, auteur en 2017 d'une série d'articles pour Mediapart intitulée « Amazonie, la réalité derrière le mythe ». Alors il se trouve que vous êtes rendu à Fordlandia pour un reportage et dans le chapeau de votre article, vous écrivez de Fordlandia « Il n'en reste qu'une ville fantôme témoignant de l'hybris si commune entourant la région ». Que voulez-vous dire exactement ? Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a deux souvent mauvaises interprétations quant à l'Amazonie. La première, c'est que c'était un endroit vide avant la conquête espagnole. Et l'autre mauvaise conception, c'est qu'on peut complètement transformer l'Amazonie sans aucune conséquence. Et l'histoire de Fordlandia, c'est un peu ça. On a essayé de planter de manière intensive des EVA pour faire du caoutchouc et ça a échoué. Et c'est un peu, aujourd'hui, on voit ça avec d'autres cultures, comme le soja, par exemple, qui est cultivé de manière intensive, et en même temps, on détruit, on saccage l'Amazonie, le fameux poumon vert de la planète. On veut dompter l'indomptable, en quelque sorte. Il y a encore des traces, il y a encore des traces des usines de Ford, à Fordlandia, où on a vraiment fait table rase d'un gros échec. Encore des vieux bâtiments, il y a tout ce que effectivement ce que vous racontez qui a été importé des États-Unis, les bouches à incendie, les lampadaires, les maisons américaines, et tout ça est en état de préservation pas terrible, c'est un peu en ruine, mais du coup ça crée une forme d'atmosphère magique puisqu'on est au bord du Tapachos, au milieu de la jungle, et il y a cette architecture industrielle. Sortie de nulle part et qui finalement part lentement en ruine et en rouille. Donc on n'exploite plus DVA, c'est fini ? Non, pas à cet endroit-là. Non. En plus, les tentatives ultérieures qui avaient été faites par Ford, en fait, c'était déroulées à quelques centaines de kilomètres en aval. Parce qu'il avait fini par comprendre que, tout simplement, l'exposition et les sols à Fordlandia n'étaient pas propices à la culture des VA. Alors, vous écrivez également, si Fordlandia continue de résonner dans les têtes 90 ans après sa fondation et son abandon quasi immédiat, c'est parce qu'elle représente la métaphore parfaite des illusions que tout le monde entretient sur l'Amazonie. Ce fut l'Eldorado, ce fut la cité Z, ce furent les innombrables ruées vers l'or qui continuent d'empoisonner les sols de la forêt d'ailleurs. C'est aujourd'hui la déforestation, l'agriculture intensive du soja, les mines de bauxite ou les rêves hydroélectriques de construire 43 barrages sur le Tapajós, des ressources à exploiter, des trésors fabuleux à découvrir, s'enrichir, se développer, profiter. Alors là, c'est pas un lieu commun pour le coup, c'est pas une fausse idée. L'Amazonie a toujours été une terre où on essaye de faire fortune. Oui, exactement, ça a été une terre où on essaye de faire fortune, puisque les Espagnols ont commencé par chercher de l'or à coup d'expédition, et puis ensuite a émergé le mythe de l'Eldorado, donc la cité de l'or par excellence, et puis d'autres comme la cité de Z, qui a donné lieu à un livre et puis à un film assez récemment, qui aura là contenu d'autres formes de richesses, et puis c'est des bois rares, des essences rares, la cannelle notamment qui a été très prisée à une époque. Donc on a toujours considéré, et encore aujourd'hui effectivement avec la pharmacopée, on a toujours considéré que l'Amazonie était une ressource à exploiter. Le problème, c'est que c'est une ressource aussi très fragile. Et ce dont la plupart des gens se rendent compte, c'est que certains arbres ne poussent pas ailleurs qu'en Amazonie, ou, comme les Eas, ne poussent pas, y compris au sein de l'Amazonie, si certaines conditions ne sont pas prises en compte, que ce soit l'exposition, que ce soit d'autres arbres autour. L'Amazonie est un véritable écosystème de milliers de plantes, de milliers d'arbres, mais tout ça vit en symbiose. Et c'est ça qu'aujourd'hui, on a du mal à comprendre. On pense qu'on pourrait juste exploiter sans qu'il n'y ait aucune conséquence ou sans aucune déperdition. Alors, Forlandia coche toutes les cases de l'impéritie des Occidentaux dans ce genre de choses. Oui, complètement. Effectivement, dans votre récit, vous le racontez très bien, que ce soit la volonté d'imposer un American way of life à des paysans brésiliens qui n'avaient jamais connu ça, avec des horaires, avec des uniformes, des badges, ou que ça soit... C'est assez curieux parce que Henry Ford a visiblement récupéré ce terrain qui a été donné par le gouvernement brésilien, mais il est loin de tout. Donc, ne serait-ce que l'infrastructure de transport pour amener le caoutchouc d'abord à Santarém, puis après à Belém, puis à l'embouchure de l'Amazonie pour parvenir aux États-Unis, était assez incroyable. Donc, je pense qu'Henry Ford était convaincu que, puisque tout lui avait réussi jusqu'à maintenant, il pourrait y compris dompter cette forêt immense, ces fleuves immenses, et parvenir à ses fins. Forlandia, c'est un projet colonial, hein. Ça y ressemble, je trouve. Oui, clairement. Et à un moment, dans votre récit, vous passiez un extrait où il était expliqué que c'était dans le but de faire développer le Brésil, etc. Ben voyons. Je pense qu'aujourd'hui, on appellerait ça des éléments de langage. À l'époque, on disait pas ça. Mais non, c'était Henry Ford souhaitait effectivement récupérer la mainmise sur le caoutchouc qui avait, selon lui, le mauvais goût d'être un monopole anglais, un monopole britannique. Mais il voulait ça pour ses usines. Effectivement, c'était l'idée d'exploiter une exploitation coloniale là où poussaient les VA pour fabriquer des voitures américaines. Voilà. Je parlais de colonies parce qu'on en reparlera un peu plus tard, mais votre œuvre professionnelle et littéraire tourne beaucoup autour de ça avec un nouveau livre qui va sortir bientôt. On en parle juste après avoir écouté Stéphane Escher à Nos cœurs solitaires. D'avance, je regrette le moindre mot que je vais dire, mais je ne veux pas que tu m'arrêtes. Je pense que nous devons souffrir. Tu te tiens droite sur nos têtes, tu viens d'avoir qu'un seul désir. Être à venir. Au nom de nous, piège que nous n'avons pas vu venir, que nos cœurs solitaires soient au bout, au bout de la peine, que le monde Inter. Affaires sensibles. Thomas Cantaloube, expliquez-nous, s'il vous plaît, deux expressions, je crois, très importantes pour comprendre l'Amazonie, le choc microbien et l'échange colombien. Alors, le choc microbien, c'est assez simple. Ce sont les Espagnols qui sont arrivés porteurs de maladies qui étaient inconnues dans les Amériques, principalement du fait que la plupart des maladies européennes étaient issues d'animaux que ne connaissait pas l'Amérique. Et donc, en fait, ce choc microbien, en amenant des microbes, on estime aujourd'hui que jusqu'à 95% de la population des deux continents américains a été décimée dans le siècle suivant l'arrivée des colons espagnols. Mmh. Et l'échange colombien, ça a quelque chose à voir avec Christophe Colomb ? Oui, en quelque sorte, au sens où si c'est non, vous pouvez le dire, c'est pas grave. De l'arrivée de Christophe Colomb dans les Amériques, c'est finalement ce qui a été rapporté des Amériques en Europe. Et effectivement, il y a eu énormément de plantes, de cultures qui ont effectivement été rapportées ainsi et qui ont nourri l'Europe. On parle effectivement souvent de la pomme de terre, oui. Mais il y a eu aussi le cacao, les tomates, le tabac, ces choses-là, effectivement, qui ont assuré une immense prospérité au continent européen grâce à finalement des denrées, des produits qui n'existaient qu'en Amérique au départ. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer un monde sans tomates. Vous écrivez en matière de biodiversité, il est difficile de surpasser la contribution de l'Amazonie au patrimoine mondial. Effectivement, je rappelle quelques chiffres. L'Amazonie, c'est 40 000 espèces de plantes, 18 000 espèces d'arbres, contre 200 en France, pour vous donner un ordre d'idée, 2500 espèces de poissons, 1500 d'oiseaux, 200 de moustiques et 2,5 millions d'insectes. Et vous évoquez, vous, le mythe du désert vert. C'est quoi le désert vert ? Le désert vert, c'était l'idée que il n'y avait personne en Amazonie avant que n'arrivent les colons ou alors quelques tribus très isolées. Et en fait, et c'est tout un pan de l'archéologie moderne qui a mis ça à jour depuis, disons, 20, 30, 40 ans à peu près, où on se rend compte qu'en fait, l'Amazonie était extrêmement peuplée. Et à l'époque, ça s'est su, puisque par exemple, la première descente du fleuve Amazon, qui se fait par les conquistadors Carvajal et Deoregano, ils racontent dans leur récit avoir rencontré des milliers d'Indiens, avoir rencontré des terrains cultivés avec des arbres fruitiers, des cultures, etc. Mmh. Et en fait, c'est aussi ce fameux récit qui raconte avoir vu des Amazones. Et à partir de cette idée que les Amazones, ça devait être affabulé, probablement que les conquistadors avaient confondu des Indiens aux cheveux longs avec des guerrières amazones. Tout le reste de leur parcours, de leur descente de l'Amazonie avec tous ces Indiens qu'ils croisaient, a été finalement balayé, écarté. Et ça, c'était quelques 40-50 ans après 1492. Et quand l'expédition suivante revient un siècle plus tard, il n'y a presque plus personne. Parce que les microbes étaient passés par là, parce que le choc microbien avait tué tous ces millions d'Indiens qui vivaient là-bas. Et donc, on a imaginé que l'Amazonie, c'était un désert. Par ailleurs, et c'est une des difficultés qu'a rencontré l'archéologie, les habitations étaient en bois, avec des lianes. Il n'y avait pas, ou très très peu, de pierres, de fer, de métaux, comme en Europe, et tout avait disparu un siècle après. Et donc, on a cru, pendant très longtemps, que l'Amazonie était vide de gens avant qu'arrivent les colons européens, et c'était complètement faux. Et aujourd'hui, on estime qu'il y avait entre 5 à 10 millions d'habitants dans l'Amazonie. Et le choc microbien, il a marché dans les deux, enfin, il a sévi dans les deux sens? Alors, le seul, non, en fait, il a sévi principalement que dans un seul sens. Mmh. Parce que même des maladies comme la malaria ou la fièvre jaune, en fait, ont été importées d'Europe. Importées d'Europe et des Amériques. Et la seule maladie, et encore, on n'est pas encore sûr qui est passée dans l'autre sens des Amériques vers l'Europe, ça serait la syphilis. Mais effectivement, le choc microbien a essentiellement marché dans un seul sens. Et pour expliquer aussi cette idée du désert vert, c'est parce que, par exemple, les conquistadors entraient en contact avec des populations indiennes, leur transmettaient des maladies, et après, ces populations indiennes ne savaient pas rentrer dans leur village à des dizaines ou des centaines de kilomètres et transmettaient la maladie avant même que les Européens soient arrivés, ce qui fait que des populations entières sont mortes, ont été décimées avant même d'avoir été en contact avec les Européens. Alors, il y a eu Forlandia, donc on l'a raconté. Il y a maintenant Soylandia, ou la terre du soja. Vous pouvez nous raconter? C'est ce qui se produit, en fait. C'est une monoculture intensive du soja qui se développe, en fait, en déboisant l'Amazonie. C'est ça, on en a beaucoup parlé avec la récente présidence du Brésil de Bolsonaro. Mais c'est quelque chose qui dure depuis un gros quart de siècle, voire 30 ou 40 ans. C'est effectivement, on déboise l'Amazonie pour planter du soja. Et du soja qui sert très peu à la consommation humaine, qui sert à la consommation des bêtes. Et le soja est une plante où je crois que c'était dans les articles, pour quelque chose, pour 100 kilos pour cultiver 100 kilos de soja, il faut à peu près 1500 kilos de pesticides et d'engrais. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui dévaste, qui détruit la terre, qui appauvrit les sols et qui contribue à une déforestation intensive. De ce poumon vert, et c'est souvent les métaphores sont pas toujours géniales, mais le poumon vert, c'est, pour le coup, ça correspond vraiment, c'est quelque chose qui absorbe énormément de CO2 de la planète. Et malgré les alertes, malgré la prise de conscience du changement climatique, ça s'améliore quand même ou pas? Non, pas vraiment. Bah oui. Ça s'est beaucoup détérioré sous les airs Bolsonaro. Maintenant, Lula est revenu au pouvoir, mais il ne faut pas oublier que Lula aussi a pris de tout gouvernement qui ont facilité, ou au moins qui ont tourné l'œil ailleurs face aux déforestations et à la crise du soja, parce que en fait c'est toute une industrie au Brésil qui fonctionne. C'est pas juste les planteurs de soja, c'est les ports qui les exportent, ce sont les camionneurs qui les transportent, c'est l'industrie chimique, l'industrie pharmaceutique qui contribue effectivement à tous ces produits phytosanitaires. Donc c'est une immense économie pour le Brésil, et aujourd'hui voilà, la remettre en cause pour n'importe quelle position, est quasiment mission impossible. Alors, je tiens entre mes mains les épreuves de votre livre qui sortira, qui sortira le 11 mai de cette année. Ça s'appelle Mai 67. Alors, je parlais d'un fil conducteur de votre œuvre tout à l'heure, qui a adossé l'histoire des colonies, puisqu'après les soubresauts de la guerre d'Algérie, Requiem pour une république que vous aviez écrite, puis l'émergence de la France-Afrique avec Fracas. Maintenant, cette trilogie, c'est le troisième de la trilogie, est consacrée au début de la 5e République, donc mai 67, c'était le soulèvement méconnu de la Guadeloupe en mai 67. 30 secondes de pitch sur ce livre. Eh ben voilà, c'est un livre qui part d'émeutes ouvrières à Pointe-à-Pitre précisément en mai 1967, qui sont réprimées par la police de manière très violente, puisqu'il y a au minimum 8 morts recensés, mais probablement plusieurs dizaines de morts. Et c'est un événement qui a été complètement étouffé et qu'ils ont passé sous le tapis par le gouvernement français, à tel point que ça a disparu des mémoires. Et je remets mes personnages de mes romans précédents qui démarrent en mai 67, qui vont jusqu'en mai 68 à Paris. Mais pas tout à fait oublié, puisque Affaires Sensibles avait consacré un numéro à cette histoire. Merci. Vous êtes une des rares émissions à avoir consacré une émission à ça. Merci Thomas Cantaloube, au revoir. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Fordlandia, l'échec cuisant de Ford. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Vincent Désière.